بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهنا الله عز وجل سيغنى الله عز وجل cette séance et celles qui vont suivre après au nombre de trois encore seront consacrées à la traduction des réponses aux questions que j'ai pu poser à Cheikh Abdallah al-Bukhari et à Cheikh Obaid concernant certaines ambiguïtés de certains du'as de France. D'où le nom, l'anéantissement des ambiguïtés françaises par les réponses médinoises. Ceci s'est passé début du mois de juin à Médine, début du mois de juin de cette année à Médine. Je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais on n'est pas là pour plaire aux gens. On essaye d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala du mieux que nous pouvons, car ceci concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit faire en sorte qu'Allah nous agrée. Et je sais, comme me l'a dit Cheikh Obaid, hafidhahullah ta'ala, que je vais me retrouver devant trois catégories de personnes. La première catégorie des gens qui auront la sympathie vis-à-vis de ceux qui sont concernés par ces répliques et par ces réponses, et qui vont insinuer des choses à notre sujet, mais ils vont pas être nos adversaires. La deuxième catégorie de personnes qui vont nous délaisser, mais ils ne diront rien sur nous. Leur situation est voilée pour nous dans ces cas-là. Troisième catégorie de personnes, ceux qui vont déclarer la guerre et qui vont désavouer, s'allier pour ceux qui sont concernés par ces répliques et par ces réponses de Cheikh Abdallah et de Cheikh Obaid, Habibullah Ta'ala. Donc, frère Allah Azza wa Jalla, on s'attend à tout, à toutes les réactions. Hein? Et je vais vous annoncer que ça a commencé déjà une semaine avant que je parte à Médine. Quelqu'un m'a envoyé un mail m'annonçant que le verblog Hassan Abou Asma est prêt, dans lequel il veut mettre l'alliance de Hassan Abou Asma avec les innovateurs. Ils sont désavoués pour ses frères salafis. Mais quand on est sur le terrain de la dawa, il faut endurer. Et si quelqu'un trouve des erreurs dans nos cours, tafaddal akhi, qu'Allah te récompense. Je reviens dessus tout de suite. Je sais qu'avec l'Haïti, on le trouve dur et trop occupé par Rodod, etc. Peu importe. Si quelqu'un nous trouve des erreurs, ses remarques seront les bienvenues et qu'Allah le comble de ses bienfaits. On n'est pas exemple de l'erreur et on le sait. Et on est prêt à revenir en public. Je rappelle à mes frères et à mes sœurs que le sectarisme est blâmé, et le fait d'être fanatique pour quelqu'un est blâmé dans cette religion. Ce n'est pas parce que ceux qui sont concernés par ces répliques sont de ta zuppe, ou tu as des sentiments pour eux, ou tu as fait des choses avec eux, ou tu as une relation particulière avec eux, que tu dois désavouer et s'allier pour eux et autour d'eux. Et écoute ce que dit Cheikh Al-Fawzan, Habibullah Ta'ala, concernant les gens qui élèvent des hommes et se sectarisent pour eux. السؤال: البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ La réponse a été posée à Cheikh Habibullah Ta'ala dans son recueil qui concerne les voies nouvelles, hein, recueillies par Frihal Harthi Hafidhahullah Ta'ala, la question est ceci. Certaines personnes que Allah subhanahu wa ta'ala les guide, élèvent des personnes, ils sont sectaires pour leurs opinions. Qu'est-ce que vous leur conseillez? La réponse du Cheikh Al-Fawzan vient ainsi. Al-Wajibu Al-Tiba'u Al-Haq Ma'a Man Kan Al-Tiba'u Al-Rijal Al-Mukhalifina Lil-Haq. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, ce qui est obligatoire, c'est de suivre la vérité avec qui il est, et non pas de suivre les hommes qui sont en divergence avec la vérité. ويقول حفظه الله قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Il rapporte l'auteur de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala qui dit je m'étonne, hein, sur certaines personnes qui connaissent les chaînes de transmission et comment savoir là la chaîne authentique est celle qui ne l'est pas. Ils vont vers l'opinion de Sufyan. Alors que Allah dit dans le verset, dans cette traduction approximative, qu'il fasse attention ceux qui sont en divergence avec l'un de ses ordres. Lors du prophète, alayhi salam, bien sûr. Qu'ils ne leur arrivent pas le fitna ou qu'ils ne subissent pas l'énorme châtiment. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Et il ramène aussi cet attard d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit hein, parce que des pierres du ciel vont vous tomber sur la terre. Je vous dis, Allah a dit et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. يقول الشيخ فإذا كان هذا التحذير والوعيد في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء من غير دليل فكيف باتباع من هو لا في العير ولا في النفير ممن لم يعرف بعلم ولا فضل إلا أنه يجيد شقشقة الكلام. الشيخ فوزان d'attirer notre attention sur ces attards qu'il vient de faire. Il dit si ces avertissements sont concernent ceux qui suivent les meilleures personnes après le prophète alayhi salam, à savoir ici Abu Bakr et Omar, et qui les suivent sans preuve, comment il en est des autres qui suivent d'autres personnes qui n'arrivent pas à leur cheville, qui ne sont pas connus de la science, qui n'ont pas de vertu, etc., qui ne savent tout simplement qu'au bien parler. Tu vois, donc partons de là, frère en Allah, Azzawajal, ne prends pas, ne sois pas sectaire. Pour qui que ce soit, suis la vérité là où il est. L'imam Lawza'i, il dit, rahmatullah alayh, et nous tournons avec la sunna là où tourne la sunna. Nadouru ma'a sunnati, aina ma dhara si sunna. Wasma'akha l'islam, li kalami hamil liwa al-jarh wa al-ta'dil, fi hadha al-bab. Yaqul, إذا اختلف عالمان من علماء الجرح والتعديل أو غيرهم في أمر ديني فالحكم في القضية لله لا للهوى وأهله الذين يأخذون بقول المخطئ ويردون قول المصيب والواجب فيما اختلف فيه من الدين الرد إلى الله والرسول قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ils sont éminents, celui qui porte l'étendard de la réfutation et de l'éloge, il dit qu'on deux hommes de science parmi les hommes de science de la réfutation et de l'éloge, hein, sont ou d'autres hommes de science ont une divergence sur un jugement, hein, de la religion, sur un jugement concernant un sujet de la religion. Donc, le hukm il est acquis, le jugement est acquis dans cette situation, il est à Allah subhanahu wa ta'ala, non pas aux passions. Et aux gens des passions, là, pas suivre celui qui est dans l'erreur et rejeter le vrai. Il dit, il est obligatoire dans tout ce qu'il y a comme divergence dans la religion, de la ramener vers Allah et vers son messager. Ça veut dire vers le livre d'Allah et vers la sunna du messager, alayhi salatu wasalam. Car le verset, la traduction nous dit ceci, si vous avez un problème, ou un litige, donc quoi que ce soit, ramenez-nous vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah, ou vers le messager d'Allah, c'est-à-dire vers la sunna du prophète, si vous croyez en Allah, au-delà, et ça c'est la meilleure des interprétations que vous pouvez faire à votre problème, que vous allez faire à votre problème. يقول الشيخ ربي حفظه الله فينظر في قول المتنازعين في ضوء الشريعة وقواعدها المستمدة منها لا المفتعلة، فمن وافق قوله شريعة الله وجب الأخذ بقوله، ومن خالفها رد قوله مع احترامي واعتقادي أنه مجتهد له أجر المجتهد المخطئ. Et il dit حفظه الله تعالى dans ces cas-là on regarde les paroles de ceux qui sont en divergence à la lumière de la législation et des règles de la législation qui sont extraites de la parole d'Allah et de l'authentique de la Sunna, non pas les règles inventées. Et la parole qui concorde avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de la mettre en application. Et celle qui est en divergence, il est obligatoire de la rejeter. Hein? Et de croire que celui, hein, ce mujtahid qui a eu cette opinion, bah c'est un mujtahid qui a fait un effort d'interprétation qui est tombé dans l'erreur. Et de le respecter. Yaqul. Et c'est ici le plus important. وَلَا يَقِفِ الْمُسْلِمِ الْمُتَّبِعِ مَوْقِفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَيَقُولْ قَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَلْزَمُونِ قَوْلْ فُلَانِ وَفُلَانِ وَيَذْهَبْ يَتَلَعَبْ بِعُقُولِ النَّاسِ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ يُجَرِّئُ النَّاسَ عَلَى رَدِّ الْحَقِّ وَإِسْقَاطِ أَهْلِهِ وَصَاحِبُ الْحُجَّةِ يَجِبُ الأخذ بقوله اتباعا لشرع الله وحجته لا لشخص ذلك الرجل وسواد عينيه. Et c'est là le plus important. Et le Cheikh Rabi' de dire, et le musulman ne doit pas avoir la position des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Quand il y a une divergence entre des hommes de science, il dit bah ça ne me concerne pas ni la parole de celui-là ni la parole de l'autre. Et il va jouer avec les raisons des gens et avec les pensées des gens. Car agir ainsi, cela donne l'audace aux gens de rejeter la vérité et de faire tomber les gens de la vérité. Et celui qui a la preuve avec lui, il est obligatoire de prendre sa parole. Suivons quoi? Suivons la législation de Allah, subhanahu wa ta'ala, la preuve qu'il a avec lui. Non pas suivons la personne pour ses beaux yeux. Abadan akhal islam. Donc frères en Allah Azza wa Jal et sœurs en Allah Azza wa Jal, il faut te dépouiller de tes sentiments et voir la législation et mettre la législation en avant. Et non pas tes sentiments, non pas tes passions non plus. Et il faut que tu saches frère en Allah, Azza wa Jal, et sœur en Allah, Azza wa Jal, que l'idée que les du'ats s'organisent et se réunissent entre eux est une très bonne idée. Et sache, frère en Allah, Azza wa Jal, que ceci a été suggéré par Cheikh Abdallah al-Bukhari lors de la Daura donnée en 2001. Il nous avait dit que les du'ats doivent se réunir une fois tous les mois, ou tous les deux mois, pour étudier ce qui se passe sur le terrain et surtout avoir des contacts avec des hommes de science pour la ligne de conduite à observer sur le terrain. Ça ne s'est pas fait. Il y a 3 ans, le frère Abu Anas a eu l'idée, alhamdulillah. Les du'at ont commencé à se voir et à discuter sur la da'wa et tout ce qui concerne la da'wa, ce qui est très bien en soi. De ma part, j'ai jamais assisté à une réunion, l'occasion s'est jamais présentée, mais je recevais les comptes rendus des assises. Et tout d'un coup, des choses commencent à apparaître. Par exemple, quand certains suggéraient de contacter certains de nos mashaykhs à Médine, comme Cheikh Abdallah al-Bukhari ou Cheikh Ubaid, certains étaient sceptiques. Tu me diras comment tu le sais? Je dirais, les dînes qui étaient à ces réunions me l'ont dit. Comme notre noble frère Ammar, notre frère Fattah de Bondi, le frère Amjad et d'autres qui me l'ont rapporté. Les frères donc de la voie droite, c'est le nom qui a été donné à ce groupe de Dawa, s'envoyaient des mails via la voie droite qui a un site. J'en ai reçu au début et après vu que je n'envoyais rien et que je ne répondais pas, on a cessé de me les envoyer. Et en juin 2010, il y a eu le mail qui va faire dévoiler certaines faces cachées. Ce message, quelques mois plus tard, ou même je crois plus d'un an plus tard, il sera rendu public dans certains forums. Le message qui a provoqué tout ça, c'est le message qu'a envoyé notre frère Sidati. Il a envoyé un dossier à tous ceux de la voie droite concernant les erreurs de Mghraoui, les paroles d'hommes de science sur le Mghraoui. Et le dossier s'appelle Jami' al-Hawi, les kalam al-ilm fil Mghraoui. Et là, certains masques tombent. Voici la réaction qui a le plus choqué, qui a choqué beaucoup de frères salafis, c'est celle de Abbas. Et je vais vous lire tout son mail, cette réaction qu'il a eue, et vous pouvez la récupérer par la suite sur certains forums, où dit l'ouverture, la réouverture de notre site Al-Atar, qui change de nom, ce n'est plus Da'wa Messenger, mais c'est l'Atar. Vous la trouverez avec les audios en arabe des Mashaïr et leur traduction concernant ce sujet. Ou alors, en attendant, tout de suite sur le site, Inch'Allah, à partir de ces jours, sur le site du centre Al-Furqan. Donc, les questions auxquelles ont répondu les Mashaïr sont extraites de la réaction de Abbas. Et j'ai posé presque les mêmes questions à Cheikh Obaid et à Cheikh Abdallah al-Bukhari. Et là, frères et sœurs, laissez vos sentiments de côté. Et faites prévaloir le manhaj salafi. Et sachez, Allah est témoin, que ce que je fais là, ce n'est pas pour rabaisser qui que ce soit, mais au contraire, c'est rendre service aux concernés. Qu'ils reviennent et qu'ils écoutent les hommes de science et qu'ils reviennent vers les hommes de science et qu'ils prennent la voie droite. Hein? Et sachez aussi que ma relation avec Abbas est vieille avant qu'il part à Médine. Mais là, frère en Allah, Azza wa Jal, il s'agit de la religion, il s'agit du minhaj. Et là, comme il a dit l'Auza'i, rahimahullah, quand Thawr est venu pour lui serrer la main, il lui a dit, à Thawr, c'était des choses de ce bas monde, il y aurait le rapprochement, je t'aurais serré la main. Mais c'est la religion, il lui a pas serré la main. Donc, écoute, pourquoi les répliques à l'islam? Pour que tu comprennes, hein, le but des répliques. Pourquoi ils sont faites? Pourquoi les hommes de science répliquent? Sache d'abord, l'une des points à retenir dans leur réplique et l'un des grands fruits, c'est pour faire connaître la vérité du faux et faire la séparation du faux et du vrai. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. Il est dit dans ce verset, dans cette traduction approximative, gloire à celui qui a descendu le discernement sur son serviteur. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari de Jabir, Muhammad farqun bayna an-nas. Hein? Muhammad est une séparation entre les gens, c'est-à-dire entre eux, ceux qui sont sur le vrai et ceux qui sont sur le faux. فتميز به الحق من الباطل والاسلام من الكفر والسنه من البدعه. Avec l'envoi de Muhammad alayhi salatu wasalam, il y a eu la séparation entre le vrai et le faux, entre l'islam et la mécréance, la sunna et l'innovation. Fait partie aussi des fruits de la réplique, c'est pour connaître les hommes de science de ceux qui se substituent à eux et les hommes de science du mal. Car il a été rapporté du prophète alayhi salatu wasalam, la chose que je, dans le hadith, il est chez l'imam Ahmad, c'est un hadith hassan, akhwaf ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que je crains le plus pour ma communauté, les imams, hein, égareurs. كذلك la réplique, c'est pour réunir la parole des musulmans sur la vérité. Car si les hommes de la sunna ne montrent pas le danger de l'innovation, ils n'avertissent pas contre l'innovation, ils vont diviser la communauté. Alors qu'il est dit dans le verset « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » Donc il est dit dans le verset « Ça c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah. » Aussi il fait partie des fruits du fait de la réplique, c'est de connaître d'où s'immisce le mal, pour faire attention à ce mal. Et ça, c'est pour connaître les gens du mal, leurs ambiguïtés. Comme il a dit Hudayfa radhiyallahu anhu, et je posais des questions sur le mal pour ne pas y tomber. Comme dans le hadith, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui leur répond, ils vont l'y jeter. Aussi, la réplique, c'est l'une des causes pour sortir beaucoup de gens de l'innovation et de l'égarement. Car le fait de critiquer le faux et d'avertir contre le faux et de montrer le mal du faux fait que beaucoup de gens reviennent, méditent la situation et reviennent. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إدي la vérité est arrivée et le faux s'en va et le faux doit partir. وكان الشيخ شيخ مقبل الجيزي رحمه الله إذا جاءت السنة دابت البدع quand la sunna arrive il dit رحمه الله عليه la bid'a s'anéantit, ils font. Aussi l'un des fruits de la réplique, c'est d'accomplir le devoir du conseil. Comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la religion c'est le conseil. Et la réfutation, hein, c'est aussi faire triompher la vérité et les gens de la vérité. C'est aussi repousser les fitanes et les gens de la fitna. Et c'est aussi prendre le chemin des pieux prédécesseurs. Et c'est aussi une clémence pour celui qui est tombé dans l'erreur. Hein? Et je m'arrête là, hein, pour ces citations. Et j'y reviendrai lors de cette série que nous avons commencé à, sur à, les fruits de la réplique. Et maintenant, écoutez, après que nos frères de la voie droite ont reçu le mail qui contient le dossier sur le Mghraoui, regardez maintenant. Et je vous dis que vous pouvez récupérer ce mail de Abbas, hein, sur l'un de nos sites, Inch'Allah, centre Al-Furqan ou autre. Il dit, je passe le début qui est des salutations entre les frères. Il dit, chers frères, ne voyez pas du mal à ce qu'a fait notre frère Sidati. Il nous envoie toujours des sujets variés. Sauf que là, c'était sur des mises en garde. Il a sûrement pensé que ça peut servir. En ces temps où plein de gens viennent te voir en disant « J'ai écouté, cher Antil, trop bien. T'écoutes pas, toi ? Ou qu'est-ce que t'en penses, toi ?» etc. N'y voyez pas tout de suite un mal ou une insinuation. C'est un peu abusé. Sinon, sur le fond, au sujet de Cheikh Al-Mghraoui, je suis plutôt d'accord avec ce que Fouad nous a écrit. Pour que vous soyez qui sachez ce que c'est Fouad, Fouad c'est l'un des responsables de la section française d'Islam House, qui dépend de l'un des grands bureaux de Hizbi du Dawa Rabwa Riyad. Et dans Islam House, tu vois que tout est mélangé. Il y a les traductions des grandes éminences comme Cheikh Ibn Baz, etc. Mais il y a des traductions de Mounajjeh, de Jibrin et d'autres, à qui les hommes de science ont répliqué. Ben maintenant, regardez sur quoi il est d'accord à base avec le frère Fouad. Fouad, il dit, j'ai pu lire comme vous un message Jami' al-Hawi li kalam al-ilm fil Mghraoui de notre frère bien-aimé Sidati, qui m'a un peu choqué, voire troublé, vu sa teneur émotionnelle, voire sectaire plus que scientifique. Hada dans l'un des passages. Dans un autre passage, il dit, Fouad dit, franchement, pour ma part, le bien que Cheikh Al-Mghraoui est beaucoup plus flagrant que ses fautes, et qu'on ne me parle pas de Mouazanat, qui n'a rien à voir, car donner le dessus au bien, probant face au mal, en petite quantité, n'est que justice. Et il dit, dans un autre passage de sa réaction, je témoigne que je n'ai voulu par ce message que le bien pour mes frères, mais aussi pour défendre une personne qui, à mon avis, ne mérite pas ce lynchage médiatique de nos frères. Je ne parle pas d'y dire des savants qui ont montré la faute et qui sont mujtahidines dans leur avis, malgré que je ne sois pas d'accord avec eux, malgré qu'il n'est pas d'accord avec eux, avec les hommes de science. Ça, c'est Fouad qui parle. Aussi, ne croyez pas que je suis un fervent de Cheikh Al-Mghraoui. Je veux juste le bien pour mon pays, le Maroc, comme tout un musulman, bon musulman le veut pour son pays. et détruire un homme tel que le Mghraoui n'est pas une bonne chose, car mon pays est rempli de shirk, d'adoration des tombes, d'innovation, de manque d'adoration et de manque de glorification de la sunna et de manque de spiritualité. Comment participerai-je à l'éviction de la salafia d'un homme qui l'a fait revivre dans plusieurs contrées? Voilà, alors, comme ça, vous connaissez qui c'est, hein? Qui c'est Fouad Serbal? Tout ce que vous avez entendu, ce n'est que des petites bribes que j'ai prises. Et bien sûr, je vais me pencher sur sa réaction et je vais prendre les questions adéquates à poser aux hommes des sciences. Et tout ceci face à ce que vous connaissez comme parole. Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Njmi sur le Mghraoui? Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Rabih sur le Mghraoui? Il n'y a rien à dire à ce genre de réaction. On leur répond tout simplement, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le haq, la vérité, ou vous cherchez le Mghraoui? Et je vous continue, comme ça vous savez avec qui il est d'accord, Abbas. Hein? Et vous savez sur quoi il est d'accord avec lui. Hein? Et je continue la lettre de Abbas. Il y a beaucoup de choses dans la mise en garde qui sont des erreurs ponctuelles. Il parle de la mise en garde contre le Mghraoui, sans que cela implique une mise en garde globale. Aussi, je pense que le fait de considérer le bien qu'a rapporté Al-Mghraoui au Maroc et le fait qu'il est le seul sunni en évidence est un point très important. Imaginons-nous qu'on mette en garde ouvertement contre lui et que cette mise en garde arrive à des gens du commun qui pratiquent toutes sortes de bid'ah et de shirk. Alors ils s'éloigneraient de lui et resteraient dans leur jahl, tandis que si ils le suivent ou l'écoutaient, la différence serait énorme. Combien j'ai vu de frères qui ont fréquenté le milieu al-Mghraoui et qui ont profité. Et concrètement, je ne leur vois pas de bid'ah ou de mukhalafa. Si ce n'est qu'ils ont facilement tendance à écouter n'importe qui et à les prendre comme des références, comme Mohamed Hassan, par exemple. Mais ne vaut-il mieux pas qu'ils soient comme ça que comme ils étaient avant? Des fois, j'ai un peu de mal avec l'histoire d'Al-Mghraoui, parce que quand on parle de lui, on dirait Béchir al-Mirissi. Est-ce que toutes les erreurs sont au même degré? Doit-on traiter un salafi qui commet des fautes et qui fricote avec Jam'iyat, Ihya al-Turat, comme un Rafidi ou un Ikhwani, ou je ne sais quoi? Ça me laisse un peu perplexe. Sinon, pour Saïd Qutb, il faut comprendre la différence entre dire qu'il a du bien, qu'un talib al-ilm peut profiter de ses livres, etc., et dire que c'est un mujtahid. C'est un mujaddid, sans accepter de reconnaître ses erreurs, insulter les gens qui montrent ses erreurs, prendre certains de ses pensées comme des fondements, takfir al-mujtama'at al-khuruj. La barrière du qutbisme est peut-être là. Voilà, c'est la parole de Cheikh Abbas, alors soyez d'accord, c'est non, ce sont ses paroles. Donc à partir de ce que vous avez entendu, à partir de là que j'ai pris les questions, je vais vous lire et je vous lis les réponses de Cheikh Abdallah durant cette séance, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salati wa salami ala rasulillah. Cheikhana, hafidhakumullah, hadi masail tata'allaku bid-da'wati wa du'at bi-Faransa. Et je commençais avec Cheikh, au nom d'Allah, en faisant les louanges à Allah et la prière sur notre messager, alayhi sallam. Notre Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, voici des sujets qui ont rapport avec la da'wa et les prêcheurs en France. منذ أكثر من سنتين الآن اجتمع بعض الإخوة من أئمة المساجد وبعض من يلقي الدروس على الإخوة السلفيين واتفقوا على أن تكون لهم لقاءات يتدارسون فيها أمر الدعوة وينظمون شؤونها وما إلى ذلك وبدأت بينهم مراسلات عبر البريد الإلكتروني. Et il y a plus de deux ans, je disais à Serge, il y a plus de deux ans, des réunions entre les frères salafis, certains imams de mosquées et certains qui donnent des cours à des frères salafis, ont tombé d'accord sur le fait qu'ils doivent avoir des rencontres entre eux pour organiser, parler de la da'wa et pour organiser les choses concernant la da'wa. Et après, des courriers ont commencé à être propagés entre eux à partir des boîtes e-mail, à partir d'Internet. ومرة أحد الإخوة أرسل إلى الجميع الجامع الحاوي لكلام أهل العلم في المغراوي. Et une fois, un des frères, et là c'est le frère Sidati, a envoyé à tous le recueil des hommes de science sur le Mghraoui. وبعده صدر من البعض ردا على هذا الملف في الحقيقة لا يستغرب من بعضهم بما عرف عنهم من ترجمة لبعض المجروحين كالمنجد والجبرير رحمة الله عليه وغيره وهذا موجود في موقعي في أحد موقعهم وهو متخرج من جامعة الرياض. Et après l'envoi de ce dossier, il y a eu la réaction de certains par rapport à ce dossier. Hein, concernant les erreurs d'Al Mghraoui. Pour certains, leur réaction n'est pas étonnante parce qu'on connaît les traductions qu'ils ont fait de certains mjrouhin, comme le Mujnajid ou Al-Jibril, rahimahullah, et d'autres. Et ceci se trouve dans leur site, en l'occurrence ici Islam House, et cette personne, il est diplômé de l'université de Riyad qui s'appelle Fouad. Lakin gharib anna ahadan. من كنا نحسن به الظن ونوصي به ونتعاون معه ويتعاون معنا أحد الإخوة الفرنسيين الذي قضى سنتين في كلية اللغة وسنة ونصف في كلية الحديث هنا عندكم في المدينة كتب كلاما صدم به كثيرا من الأخوة السلفيين وهذه الرسالة منشورة عبر الشبكة وهذا بعض ما جاء في كلامه mais le plus étonnant c'est une personne sur laquelle on avait des bonnes suspicions, et qu'on considérait, et qu'on conseillait aux gens, et on s'entraidait avec, ils s'entraidaient avec nous, et on faisait des choses pour da'wah ensemble. Hein? Un de nos frères français, qui a passé 2 ans à la Shu'ba pour la langue arabe, et un an et demi dans la fac du hadith, et chez vous à Médine, il a écrit des paroles, qui ont choqué plus d'un frère salafi. Et cette lettre, elle est propagée à travers Internet. Et voici un peu de ce qui est dans ses paroles, dans sa lettre. يقول أظن أنه يجب اعتبار ما قدمه المغراوي في المغرب لأنه السني الوحيد. وهذا أمر مهم. Il disait, la première parole que j'ai citée à Cheikh, je crois qu'il faut prendre en considération ce qu'a donné Cheikh al-Mghraoui au Maroc. Et ce qu'a fait Cheikh al-Mghraoui au Maroc, car il est le seul sunni. Et ceci est très important. وقال تصوروا إن نحن حذرنا منه وتحذيرنا وصل إلى العوام الواقعين في البدع والشرك سيبتعدون عنه ويبقون في جهل ولكن إن اتبعوا واستمعوا له فالفرق سيكون واضحا. Il dit, imaginez si nous on avertit contre lui et que notre avertissement arrive aux communs qui sont dans les innovations et dans l'associationnisme. Dans ces cas-là, ils vont s'éloigner de lui, ils vont rester dans leur ignorance. Mais s'ils le suivent et ils l'écoutent, la différence est claire. وقال وكم رأيت من إخوات يخالطون وسط المغراو واستفادوا ولا أرى لهم بدعة ولا مخالفة إلا أنهم يستمعون لكل أحد كمحمد حسان وغيره أليس أن يكونوا هكذا أحسن أو كما كانوا من قبل. Et il disait, parmi les citations que j'ai citées à Cheikh, il disait, combien j'ai vu de frères qui fréquentaient le milieu des Mghraoui, et ils ont profité, je leur vois aucune bid'a, ni aucune divergence, sauf qu'ils écoutent n'importe qui, tel que Mohamed Hassan et d'autres. N'est-il pas mieux qu'ils soient ainsi, ou alors comme ils étaient auparavant ? وقال أنا أعاني من قضية المغراوي لأنه عندما يتكلم عليه كأنه بشر المريسي هل كل الأخطاء على مستوى واحد؟ هل نتعامل مع السلفي الذي أخطأ ويخالط جمعية تراث كرافضي وإخواني؟ إلى دي أسي واجي دي مال avec la situation le sujet du مغراوي car quand on parle de lui on dirait Béchel Mérissi. Est-ce que toutes les erreurs sont à pied d'égalité? Est-ce qu'on doit se comporter avec les salafis qui est tombé dans l'erreur et qui fricote avec l'association Tourat comme un Rafidi et un Ikhwani? شيخنا حفظكم الله، أليس في هذا الكلام ظلم للعلم والعلماء؟ Notre cher Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Est-ce que dans ces paroles, il n'y a pas une injustice vis-à-vis de la science et des hommes de science? فما توجيهكم لهذا الأخ علما بأنه قبل أن يكتب هذه الرسالة جمعني الله وإياه والأخ عمار برجل من المغرب حدثنا عن أمور عن المغراوي لا يعلمها الكثير وكان أن قال هذا الأخ لو سمع بعض إخواننا في شمال فرنسا لغيروا موقفهم تجاه المغراوي Je disais à Cheikh, quelle orientation vous donnez à ce frère, c'est-à-dire en parlant de Abbas ici, sachant qu'avant qu'il écrit cette risala, on a eu une assise, moi, Ammar et lui, et Kamal du Nord, avec un frère du Maroc, qui nous a parlé de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas sur le Mghraoui. À tel point qu'Abbas, il a dit, c'est certains de nos frères au Nord, hein, entendaient ce genre de ces paroles, ils vont changer leur position vis-à-vis de le Mghraoui. فما توجيهكم لهذا الأخ والإخوة المتعصبين له ولمن يؤيده من الدعاة ويدافع عنه Je demande à Cheikh, c'est quoi vos orientations à ce frère et aux frères qui sont fanatiques pour ce frère et qui le défendent et les duaats qui le défendent والسبب الذي جعلنا ننتظر كل هذه المدة أن أحد إخواننا قال اصبروا سأكلمهم في الأمر في بعض الاجتماعات لكن لحد الساعة لم يتم ذلك وكلما أراد أحد أن يتكلم في هذا الموضوع غير الكلام حتى إن بعض إخواننا فارق هذه الاجتماعات إيه Pourquoi nous avons attendu tout ce temps-là? Très simple. Parce que certains de nos frères, comme Sidati a dit, attendez, je vais leur parler dans certains des réunions. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de parole. Et chaque fois que quelqu'un veut ouvrir le sujet, on change de discussion comme il nous a été rapporté par les dînes. À tel point que nos frères, certains de nos frères dînes, comme Abdelkarim, Abu Abdillah, ainsi que Amjad, ainsi que Fattah, et ainsi que Sidati lui-même, ils ont quitté la voie droite. الآن الجواب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد maintenant avec la réponse après les louanges à Allah et la prière sur le prophète عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ هذا الكلام صادر عن الأخ أصلحه الله في حق المغراوي لا شك أنه خطأ يعني خطأ بين Dit Habibullah Allah Ta'ala, ces paroles qui ont émané de ce frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers la vérité, ces paroles qu'il a dit vis-à-vis de l'Mghraoui, il n'y a aucun doute que ce sont des erreurs qui sont claires. يعني فيه جملة من المآخذ أصلحه الله. Il dit, dans ce qu'il a dit, il y a un certain nombre d'erreurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme. Elle fait du'a au frère Abbas. ومثله إذا كان يتضاد لدعوة الناس في المنطقة فهو يحتاج المنطقة التي هو فيها فيحتاج أن يتريث كثيرا عندما ينطق بمثل هذه الكلمات ونحوها. Il dit, et le similaire à cette personne, quand il fait la da'wa chez lui, s'il fait la da'wa chez lui, ben il a besoin de méditer, de réfléchir avant de lâcher ces mots, ce genre de mots qu'il a écrit. أقول القضايا ليست بالأهواء ولا هي ميول القلب ونحو ذلك إنما هو الدين الشيخ دو دير السجيه ce n'est pas les passions ce n'est pas le penchant des cœurs ou autre mais c'est la religion أقول يقول الشيخ إنما هو الدين كما قال الأوزاعي رحمه الله لما جاءه رجل أراد أن يصافحه من أهل الأهواء وهو ثور قال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين ولكنه الدين الشيخ دو دير les sujets ne se traitent pas on ne suit pas dans les sujets les passions pas non plus le penchement des cœurs et autres mais c'est la religion et je dis c'est la religion comme il a dit l'Auza'i Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes. Quand un homme, parmi les gens qui suivent leur passion, veut lui serrer la main, et c'était Thawr. Il a dit à Thawr, si c'était les choses qui concernent ce bas monde, il y aurait le rapprochement entre nous. Mais c'est la religion. Mais c'est la religion. يقول الشيخ عبد الله فالكلام أوله هو أنه قال دي بديبو سبارول إلى دي ما قد أظن أنه يجب اعتبار ما قدمه المغراوي للمغرب لأنه السني الوحيد إلى première parole que j'ai cité à Cheikh que Abbas a dit je crois qu'il faut prendre en considération ce qu'a donné le Mghraoui au Maroc car il est le seul sunni. يقول الشيخ حفظه الله هذا أمر في غاية من مجانبة الصواب والسنة. لسا c'est un point qui est très loin de la sunna. En disant ou lâchant cette expression, c'est une parole qui est très loin de la sunna et de la vérité. يقول كيف جرد أهل العلم وكثير من السلفيين وإخواننا أهل السنة هناك عن سلفيتهم فلم يجعل فيهم إلا المغراوي إذا كانت العبارة هكذا قال il dit comment il a dépouillé les gens du Maroc et beaucoup de salafis parmi nos frères des gens de la sunna il les a dépouillés de leur salafia il a fait que le seul salafi c'est le mghraoui si c'est en expression il est ainsi hein هكذا قال يجب اعتبار ما قدمه المغراوي في المغرب لأنه السني الوحيد وهذا أمر مهم كيف السني الوحيد ها d'ici il a dit cette expression et en français c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il avait dit qu'il faut prendre en considération ce qu'a donné le Mghraoui au Maroc qu'il est le seul sunni et ceci est très important comment le seul sunni Cheikh يقول comment le seul sunni يعني هذا خطأ فاحش يدل على أن الرجل إذا كان يعتقد هذه العبارة فهذا نسأل الله العافية والسلامة يحتاج أن يراجع نفسه بل هذا ضلال مبين بارك الله فيكم يلجي حفظه الله الشيخ عبد الله يلجي ça veut dire que ça c'est une erreur énorme une grave erreur qui prouve que cet homme c'est-à-dire en parlant de Abbas s'il croit en cette expression on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. Dit cette personne doit s'arrêter avec lui-même et s'auto-observer. Dit ça, c'est un égarement énorme que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. يقول الشيخ لأنه إذا قلنا هو السني الوحيد بقيت الآخرين ليسوا كذلك. Dit car si on dit que le Mghraoui est le seul sunni, les autres ils ne sont pas ainsi. فهذا دلالة على هلاك الناس. Il dit ça, ça prouve que les gens sont perdus, ont péri. أنهم هلكوا. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح. Il dit ça, ça prouve que les gens ont péri. Qu'ils ont péri. Et celui qui dit que les gens ont péri, comme il a dit le Rasoul Salam, c'est lui qui les a fait périr. Ou alors c'est lui qui est dans une situation de plus grave que comme il est rapporté dans l'authentique يقول لكن قد يكون يريد انه الداعي الوحيد الى السنه في المغرب وهذا خطا اخر وباطل اخر يوجد دعاة الى السنه غير المغراوي كونه لا يعرفهم لا يعني انه لا يوجد فعدم معرفتك بالشيء وعلمك به وعلمك به لا يدل على عدم الوجود il dit peut-être qu'il veut dire Abbas veut dire tout simplement que c'est le seul da'i à la sunna au Maroc. Il dit ça encore, c'est une erreur. Et c'est quelque chose de faux. Il existe des du'at de la sunna au Maroc. Autre que le Mghraoui. Le fait qu'il ne connaît pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le fait que tu ne connais pas une chose, que tu n'as pas de savoir sur une chose, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. L'amr al-thalith, en hada al-rajul, ليس كذلك لا داعية السني الوحيد ولا غير ذلك et le troisième point du Cheikh c'est que cet homme en parlant de l'Mghraoui ce n'est pas un prêcheur de la sunna unique ni autre فالرجل إنما يحكم عليه إما بتباتي على السنة ولزومه لها هذا خرج عنها ينضح كلامه بالتكفير للمجتمعات وكتابه تحذير الإفك والبهتان صد عن السنة والقرآن أو نحو هذه العبارة جعل نفسه هو السنة والقرآن وهو القرآن وأن من حذر منه حذر وصد الناس عن السنة والقرآن كتاب فيه من المآخذ والمزالق الشيء الكثير. Il dit, Habidallahu Ta'ala, dans le Mghraoui, ce n'est pas le seul sunni. Il a dit, l'homme, on le juge par le fait d'être ferme sur la sunna et de se cramponner à la sunna. Il dit, cet homme, il est sorti de la sunna. Ses paroles, hein, le takfir dans ses paroles, c'est comme des champignons. Le takfir des sociétés. Et son livre, l'avertissement contre les gens de l'Ifq al-Buhdan, qui dit, tourne de la sunna et du Coran, soit disant le livre où il est revenu sur ses erreurs, où il a fait, dans ce livre, Cheikh Abdallah l'a lu, il a fait que c'est le seul sunni, que le Mghraoui s'est fait de lui dans ce livre, qu'il est le seul sunni. Il a fait que c'est lui la sunna et c'est lui le Coran, et que celui qui avertit contre le Mghraoui, il avertit contre le Coran et contre le sunna. Et il dit, tourne du Coran et de la sunna. Dit, c'est un livre sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, sur lequel il y a beaucoup d'erreurs. يقول الشيخ كيف هذا الرجل يقول يدافع عنه ويقول أنه الوحيد دي كمان سيتم maintenant il le défend دي كمان عباس défend المغراوي دي qu'il est le seul c'est-à-dire le seul sunni الشيخ دو دي هاب الرجل كان على السنة ابتداء ثم تركها يبقى خلاص ملازما له وصف السنة الشيخ دي supposons que l'homme il était sur la sunna au début puis il a délaissé la sunna est-ce que maintenant la description d'homme de la sunna il va rester cette description va lui rester collée au dos après avoir délaissé la sunna. Yaqul bal tarku sunna bal taraka sunna huwa dimi la délaissé la sunna c'est-à-dire que le Mghraoui a délaissé la sunna مثل عبد الله القاسمي كان داعية السنة وكان يدافع عن أئمة الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره ثم تحول والعياذ بالله صار حربا ضروسا على السنة وأهلها زنديق من الزنادقة il dit comme عبد الله القاسمي il était un grand prêcheur de la sunna il défendait l'honneur des imams de la da'wa et il défendait l'imam Mohamed Abdel Wahhab. Il a changé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il est devenu une guerre contre la sunna et les gens de la sunna. Il est devenu un zindiq. Hada Abdullah al-Qasimi. Yaqul al-Sheikh. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم لما قال عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الإسلام الأصنام الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم إلي حفظه الله تعالى كي بيتر Hein, avoir la sécurité de ne pas être perturbé et de ne pas tomber dans les épreuves. Regarde Ibrahim alayhi salam, regarde ce qu'il a dit. Oh Allah, fais de ce pays qu'il soit un pays dans lequel il y a la sécurité et évite-moi ainsi que mes enfants le fait d'adorer les statues. Khalil, le père des prophètes alayhi salam, il dit fais de ce pays qu'il soit un pays dans lequel il y a la sécurité. Et évite-moi ainsi qu'à mes enfants le fait d'adorer les statues. Ibrahim Taymi rahimahullah a dit, qui peut être en sécurité après Ibrahim alayhi salam? يقول الشيخ فإذا كان هذا الرجل ينطق بمثل هذا الكلام ما بعده سيكون مبنيا عليه لأن ما بني على باطل وغلط باطل ثم ترتب على هذا التقرير وهذا من مصادرة عقول الناس بالباطل. Il dit, si cet homme maintenant, il dit ses paroles, c'est-à-dire il parle de Abbas, il dit ce genre de paroles, donc ce qu'il va dire après, il est basé sur ses paroles. Et donc ce qui est basé sur du faux, c'est faux. Et il va en découler hein, des rapports et des choses avec lesquelles il va heurter. Il va heurter les raisons des gens avec le faux. قال تصوروا إن نحن حذرنا منه وتحذيرنا وصل إلى العوام الواقعين في البدع والشرك فسيبتعدون عنه ويبقون في جهل ولكن إن تبعوه واستمعوا له فالفرق سيكون واضحا يعني هذا أيضا جعل الأمر يدور بين اثنين لا ثالث لهما إما عوام واقعين في الشرك وإما أن يتبعوا المغراوي وهل كل العوام في تلك البلاد هم كذلك واقعون في الشرك هذا بهتان وقد فل للناس بما لا يجوز نعم قد يكون بعض الناس واقعين في هذا الأمر لا كل الناس العبارة عامة il dit il reprend les paroles de Cheikh Abdallah reprend les paroles de Abbas il dit quand Abbas a dit imaginez que si nous on avertit contre eux le Maghraoui, et que notre avertissement arrive aux communs qui sont dans les innovations, dans l'associationnisme. Ils vont s'éloigner de le Maghraoui. Ils vont rester dans leur ignorance. Mais s'ils le suivent, ils l'écoutent, la différence est claire. Va être claire. Cher de dire. Il dit, là maintenant, il a fait que les choses tournent entre deux. Et il n'y a pas une troisième position. Il n'y a que deux positions ici. Soit des communs qui sont dans l'associationnisme, soit des communs qui suivent le Maghraoui. Et il dit, Habibullah, est-ce que tous les communs dans ce pays, c'est-à-dire au Maroc, sont tous dans l'associationnisme? Il dit, ça c'est faux. Et c'est des choses qu'on ne doit pas dire. Comme ça, en général, ils vont être dans l'associationnisme. Oui, certes, il y a certaines personnes qui sont dans l'associationnisme. Mais pas tous les gens. L'expression ici, elle est générale. Yaqul, wasala al-awam al-waqi'ina fil bid'a wa ash-shirk fa sayabta'iduna 'an. كيف يعني هذا سيبتعدون ها هو الآن من أعظم المآخذ على المغراوي تكفير المجتمعات. التكفير يسير على طريقة سيد قطب في هذا الباب تماما بارك الله فيك. فهم وإن فروا من واقع أليم صح أن هذا وقع فيه بعضهم فسيقعون في واقع أليم آخر. فأنت إن كنت أخرجتهم من بدعة فأوقعتهم في بدعة أخرى بارك الله فيك. Et il reprend la parole de Abbas, il dit, ici notre avertissement arrive aux Awam qui sont dans les innovations et dans l'associationnisme, ils vont s'éloigner de lui. Cher de dire, ça veut dire qu'ils vont s'éloigner de lui. Il dit, là aussi, ce qu'on reproche et les erreurs qui sont prises sur le Mghraoui, c'est que le fait il fait la mécréance des sociétés. Sa voix dans Tkfir, elle est la voix de Sayyid Qutb. Identique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Enfin, si ce commun dont il parle sont sauvés d'une situation alarmante, si c'est vrai, ben alors ils vont tomber dans une autre situation qui est alarmante aussi. Et chier de dire, Abbas, si tu les as sortis d'une innovation, bah, tu les as fait tomber dans une autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Si tu les as sortis de l'association, tu les as jetés dans le tekfir. Hein? Et donc la situation est énorme. Yaqul al-Sheikh, فما هكذا يا سعد تولد الإبل وهذا خطأ بين كلام حقيقة انتبت عن الأخ هذا أصلحه الله فلا يدري ما يخرج من رأسه ولا يعرف طرائق أهل العلم ومناهج أهل السنة في مؤاخذة المؤاخذ والتحذير من الخطأ والمخطئ بارك الله فيك. إيه الشيخ دودير c'est pas comme ça يا سعد qu'on fait abreuver les chameaux. Il dit ça, c'est une erreur claire. Il dit, cette parole, s'il est véridique, s'il a émané de ce frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme, il ne sait pas ce qui sort de sa tête. Il ne connaît pas la voix des hommes de science, et la voix des gens de la sunna, hein, concernant les erreurs, concernant l'avertissement contre les erreurs, et concernant leur position vis-à-vis de celui qui est dans l'erreur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. قال وكم رأيت من إخوة يخالطون وسط المغراوي استفادوا ولا رأى لهم بدعة ولا مخالفة. Et cher de reprendre encore une fois la parole de Abbas, il dit combien j'ai vu de frères qui fréquentent le milieu du Mghraoui, ils ont profité et je ne revois aucune bid'a ni aucune divergence. يعني عبارة الأخ كأنه إمام أهل السنة في زمانه. Et cher de le dire, les expressions de ce frère, comme s'il est l'imam de la sunna à son époque. Ainsi l'a décrit cher. وَرَأَيْتُ وَخَالَطُ كَأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَنَّهُ فِعْلًا بِكَثْرَةِ هَذِهِ الْمُخَالَطَةِ وَسَطَ الْمَغْرَاوِي الَّذِينَ يُخَالِطُونَ وَسَطَ الْمَغْرَاوِي طيب هؤلاء المخالطون على أي درجة من المخالطة معه. Et cher de dire, les expressions de ce frère sont, on dirait, l'imam de la sunna de son époque. J'ai fréquenté, hein, comme s'il a la sécurité pour lui-même. Hein, comme il a la sécurité pour lui-même. Et cher, lui, hein, lui, ceux qui fréquentent le milieu des Mghraoui, ils sont à quel degré dans leur fréquentation de ce milieu et dans la fréquentation de l'Mghraoui. Est-ce que tous ceux qui fréquentent le Mghraoui sont à au même degré? فهل منهم من ينظر لكلام المغراوي وهل منهم من يدعو الى كلام المغراوي اسكو parmi eux il y a ceux qui font des paroles de المغراوي des théories et ceux qui appellent vers les paroles de المغراوي فهل منهم من يؤيد كلام المغراوي ام ان منهم ابواق لكلام المغراوي ام انهم عوام لا يدرون من اي باب دخلوا ومن اي باب خرجوا يساقون Est-ce que parmi eux, il y a ceux qui font triompher les paroles de l'Mghraoui? Ou il y a ceux qui sont des haut-parleurs aux paroles de l'Mghraoui? Ou alors ce sont des awam qui ne savent pas par quelle porte ils sont rentrés, par quelle porte ils sont sortis, ou les guides tout simplement? Kef! Comment? Kef yaj'al hadhi al-ibara al-mattata al-fadhala aslahu Allah fa ibni ali hadhi al-ahkam? Comment il fait? Cette grosse parole, hein, cette grande expression générale comme ça, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme, il base sa sentence dessus. قال إلا أنهم يستمعون لكل أحد كمحمد حسان. Il a dit, il rapporte cher de dire, hein, de rappeler certaines paroles de Abbas, il dit, sauf qu'ils écoutent certains comme Mohamed Hassan. طيب الآن هذا يدلك على ماذا؟ الشيخ دو لي دير اي مانتونون سا سيت بروف كوا اذا انت لم تلاحظ اي مخالفه الا انهم يستمعون بس طيب اذا استمع زيد من الناس لاحد المنحرفين ما معنى استماعه له الشيخ دو لي دير ها سي بون مانتونون سلا تبروف كوا سيتي كي زيكوت محمد حسان سيت بروف كوا توا وسادريسون عباس tu n'as remarqué comme divergence que le fait qu'ils écoutent tout simplement. Taïb, il lui pose la question. Maintenant, si quelqu'un, il écoute quelqu'un parmi les égarés, qu'est-ce que ça veut dire le fait de l'écouter? Est-ce que cette personne ne penche pas vers cette personne-là et vers les idées de cette personne? Est-ce que cette personne qui écoutait celui qui l'écoute n'a pas d'alliance vis-à-vis de lui. Et on le voit. J'ouvre une parenthèse. On le voit, nous, ici, au Maroc. Comment, quand tu leur parles des erreurs de les Mghraouis, comment, quand tu leur parles des erreurs de Abu Ishaq ou de Mohamed Hassan, comment ils réagissent? Et je reviens à la parole du Cheikh Abdallah al-Bukhari. Ala y'ni dhalika anna hadha al-rajul ladhi yastami'u ilayhi ما يقوله من كلمات تنصب في أذنه فيظنها ويراها أنها من الصواب ومن الحق وهو يعتقدها فيدين الله بها فيدعو إليها. Il dit, cela ne veut pas dire que cet homme, hein, qui écoute, il écoute des paroles qui vont directement dans ses oreilles. Et il croit en ces paroles que si la vérité, il la prend, il y croit, il prend ces paroles comme religion et il appelle vers ces paroles. يقول الشيخ طيب يا أخي بارك الله فيك يجب أن نعرف عندما يتكلم العلماء عندما يحذرون Il dit, c'est bon, oh frère, que Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Il faut savoir, quand les hommes de science parlent, quand ils avertissent, يقول, ولذلك لما جلست إلى أحدهم وهذا عن الرئيس عبد العزيز لما التقيته قبل سنوات وهذا أول لقاء يعني أنا أخذته بجملة من المآخذ وكان أراد أن يستمع إلى بعضها قلت خلاص أنا أعطيك تريد من مسموعك تريد من مقروئك أعطيك فمن ضمن الكلام دار قال يا شيخ أنا مستعجل المهم بعدين إن شاء الله كالعادة قال Il dit, Abdallah Ta'ala, c'est pour ça, quand je me suis assis avec un certain parmi eux, c'est Abdelaziz al-Rais. Quand je l'ai rencontré il y a quelques années en arrière, et c'était ma première rencontre. Et j'avais des erreurs, j'ai retenu des erreurs dans ses audios et dans ses écrits. Et Raïs, il voulait entendre certains. Je lui ai dit, d'accord, je vais te les donner maintenant de ce que tu as dit, de ce qui est enregistré et de ce que tu as écrit. Je vais te les donner. Il y a eu une discussion entre eux et Cheikh Raïs a dit à Cheikh Abdallah al-Bukhari, je suis pressé maintenant, après. Et Cheikh, il dit comme d'habitude. Après, Inch'Allah. Et Cheikh, il dit comme d'habitude. Yaqoul, lakin, قال أي عبد العزيز لكن التقيت بأحد الإخوة باثنين من الإخوة أحدهما يرد على المغراوي ويتكلم في المغراوي ويحذر منه والآخر يدافع عنه إلى آخره فقلت للأخ الذي يدافع عن المغراوي هل تقولون بقول المغراوي في تكفير المجتمعات في كذا في كذا قال أعوذ بالله قال إذا ما بينكم خلاف يعني أنت أيها السلف المحذر وأنت أيها السلف المتعصب له ما بينكم خلاف يهوغاد منتنو ووديساج أو إلي دو فيان لزغر دو رياض دوتر هذا الشيخ الرئيس il dit à Cheikh Abdullah al-Bukhari j'ai rencontré deux frères un réplique à l'Mghraoui il parle sur l'Mghraoui averti contre l'Mghraoui et l'autre défend l'Mghraoui et j'ai dit à celui qui défend l'Mghraoui est-ce que tu prends les paroles et les positions de l'Mghraoui dans le fait de rendre les sociétés mécréantes et ainsi de suite le frère il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'en préserve Reis, il a dit à cette personne, donc il n'y a pas de divergence entre vous. Ça veut dire, toi le salafi qui avertit contre al-Mghraoui, toi le salafi qui est sectaire al-Mghraoui, il n'y a pas de différence entre vous. Tu vois d'où il nous vient les ambiguïtés hein, de ce genre de prêcheurs, akhal islam. Il y a quoi le cheikh, Vandor al-An, ceux qui savent déceler le faux. Qu'est-ce que tu as fait Ma hakada ya sa'du touladu l'ibil, ma hakada من يرى أن المغراوي منحرف ويحذر منه ينبني على ذلك البراءة منه ويعني مما وقع فيه والتحذير مما وقع فيه وتنفير الناس عن دعوته نعم وعدم موالاته إلى غير ذلك وتكتير سواده ونشر كتبه ودعوته وإلى غير ذلك il dit, الشيخ lui dit non, c'est pas comme ça, fais attention c'est pas comme ça au Saad qu'on abreuve les chameaux Il lui dit, celui qui voit que le Mghraoui, il a divié, il avertit contre le Mghraoui. Cela implique qu'il dise à vous le Mghraoui. Et il dise à vous tout ce que, les situations dans lesquelles est tombé le Mghraoui. Et il avertit contre les positions du Mghraoui. Il fait éloigner les gens de le Mghraoui, de sa da'wa. Il ne s'allie pas pour le Mghraoui. Ah, et n'augmente pas le nombre des disciples de l'Mghraoui. Il ne propage pas ses livres, ni sa da'wa, et ainsi de suite. يقول والذي يراه أنه سلفي لكن لا يوافقه على ما وقع فيه فيلزم منه تكثير سواده وموالاة المغراوي الدعوة له نشر كتبه إلى آخره فما هكذا يا سعد تولد الإبل يجب أن نعرف بارك الله فيكم Et il cherche de lui dire, de dire à Arrès, et ce qui nous concerne aussi, et concerne aussi, c'est en plein dedans, on est en plein dedans. Il dit celui qui voit que le Mghraoui est salafi, mais il n'est pas d'accord avec lui dans les positions qu'il a prises dans le Takfir, cela implique qu'il va augmenter le nombre des disciples de le Mghraoui, il va s'allier pour le Mghraoui, il va propager les livres de le Mghraoui, il va s'allier pour la da'wa de le Mghraoui, et ainsi de suite. Et cher de lui dire, c'est pas comme ça, Ya Saad, qu'on abreuve les chameaux. Il faut qu'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. فلهذا يعني من الأخطاء طبعا الأخطاء كثيرة ويسمعون لكل أحد comme Mohamed Hassan ou غيره. Il dit, c'est pour ça, et les erreurs sont nombreuses. Et en parlant de ce qu'il a entendu du mal de Abbas. Naturellement, les erreurs sont nombreuses. Et ils entendent tout un chacun, comme Mohamed Hassan et d'autres. Et il dit, « Alaysa an yakounu hakada ahsan au kama kanu min qabl ?» Yani, « Ala kulli hal, alaysa hada ahsan ?»« La ma huwa ahsan ?»« La akul ma huwa ahsan ?»« An yakhruja min bid'atin fayaqa fi bid'atin ?»« Ma naqul bid'a l'oula hasana ?»« Wala l'bid'a l'taniya hasana ?»« Naqul ahsan wal hasan an yakhruja min hada wa min dak ila sunna hada l'wajib ?» Il rappelle les paroles de Abbas. Il dit, est-ce que c'est pas mieux qu'il soit ainsi? N'est-il pas mieux qu'il soit ainsi que comme il était avant, c'est-à-dire qu'ils écoutent n'importe qui comme Mohamed Hassan, etc. Et cher de dire, n'est-il pas mieux? Non, ce n'est pas mieux. Je dis que ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux de sortir d'une innovation et de rentrer dans une autre. Ce n'est pas mieux. Hein? La première innovation n'est pas bonne, il n'est pas. Hein? Et la deuxième, il n'est pas, ne l'est pas non plus. Mais il dit le mieux, c'est qu'il sorte de celle-là et de l'autre, et qu'il vienne vers la sunna. Ça, c'est l'obligation. إيش نقول هكذا أحسن ولا هكذا أحسن لا لا هكذا أحسن ولا هذا حسن بل هذا قبيح وهذا قبيح الواجب أن يخرج الناس من هذه البدع والمستنقعات والفساد إلى السنة المحضة لينجو pourquoi on va dire ça c'est mieux pour eux ou que ça c'est mieux pour eux là ça ce n'est pas mieux pour eux et ça ce n'est pas mieux pour eux l'obligatoire c'est que les gens doivent sortir des innovations et des troubles et du mal vers la sunna pure pour être sauvé. يقول الشيخ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهو في الصحيحين الشيخ de nous citer le hadith restera une petite fraction de ma communauté sur la vérité apparent sur la vérité peu, et faisant triompher la vérité peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faire faiblir qui sont le mukhaddiloun ou ceux qui sont en divergence avec eux et ils resteront sur cette vérité jusqu'à la fin des temps. Et ce hadith est dans les authentiques. Idan, ala ayishayin, ala dalik al-haq alladhi kanu alayh, wa lazimu, hada al-wajib. Il dit, il reste sur quoi? Il dit, il reste sur cette vérité sur laquelle ils étaient. Ils étaient. Ils se croient pas à cette vérité. Ça, c'est l'obligation. Wa kaumnuhum qilla, la annahum ala al-batil. Et le fait qu'ils soient peu nombreux, ce ne veut pas dire qu'ils sont dans le faux. Abadan, là. فالغربة قد أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء نعم الشيخ de nous citer dit l'étrangeté غربة الرسول صلى الله عليه وسلم nous en a parlé il a dit l'islam va commencer étranger il va se terminer étranger comme il a commencé hein? bonté aux étrangers Touba les ghuraba, touba ici, soit un arbre au paradis, soit l'idylliste dans ce bas-monde et dans le delà. ثم قال انا قد عاينت من قضيه المغراوي لانه عندما يتكلم عنه كانه بشل مريسي. هل كل الاخطاء على مستوى واحد؟ جميل. Et cher de citer l'une des paroles de Abbas, il dit et moi j'ai un peu de mal avec le sujet de l'Mghraoui. Car quand on parle de lui, c'est comme si on parlait de Béchir al-Mirrisi. Et il dit, c'est toujours les paroles à Abbas, est-ce que les erreurs sont tous au même niveau, tout au même niveau? Cher de dire, c'est bon, c'est beau. C'est bon ce que tu as dit, est-ce que toutes les erreurs sont au même niveau? Là, al-jawab li c'est kullu l'akhta' ala mustawa wahid. Lakin hal kullu l'mu'amalat ma'a man akhta'a fi mustawa wahid, hakada tasawwur. هكذا تصوره il dit c'est beau ce que tu viens de dire est-ce que toutes les erreurs sont à pied d'égalité mais la réponse là toutes les erreurs ne sont pas à pied d'égalité maintenant est-ce que la façon d'être avec tout un chacun qui est tombé dans l'erreur est à pied d'égalité ainsi tu dois l'imaginer. Il dit, ainsi il s'imagine, c'est-à-dire que Abbas l'imagine. Hein? Est-ce que le comportement que nous devons avoir vis-à-vis de tout un chacun qui est tombé dans l'erreur est à pied d'égalité, est identique. Ainsi il se l'imagine, dit Cheikh Abdallah. يقول هذا من تلبيس الحق بالباطل. Et Cheikh de nous dire, ça c'est le fait de déguiser la vérité avec le faux. شوف الجواب عندنا لا ليس الخطا في مستوى واحد et cher de dire la réponse pour nous toutes les erreurs ne sont pas à pied d'égalité لذلك عندنا شرك وعندنا بدعه c'est pour ça que nous avons l'associationnisme et nous avons l'innovation وعندنا فسوق وعندنا et nous avons la perversité nous avons مخالفه الاولى من قال لك ان اهل السنه يفعلون هذا. Hein? Et nous avons le fait d'être en divergence avec ce qu'il faut mettre en avant. Et qui te dit que les gens de la sunna agissent ainsi? من قال له أن أهل السنة يجعلون الخطأ في ميزان واحد؟ Qui lui a dit que les gens de la Sunna mettent l'erreur dans la même balance et mettent les mêmes erreurs à pied d'égalité? هذا من الافتيات على أهل السنة. Ça, c'est mentir sur les gens de la Sunna. وقوع بعض الناس في أخطاء لا يتحمل منهج السلفي بارك الله فيك. Hein? Il dit le fait que des gens tombent dans l'erreur, ça, ça n'implique pas. Hein? La voie salafi. Que Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. لكن نقول أيضا هل منظور أهل السنة للخطأ بمثل أنهم كل سواء كمان ومعالجة الخطأ؟ Il dit maintenant, je dis, hein, est-ce que la vision des gens de la Sunna concernant l'erreur, il est à pied d'égalité? Et le fait de remédier à l'erreur est à pied d'égalité? Yaqul le Cheikh, anta tuqir anna tammata akhta wa tuqir annahum yastami'una li ba'd al mukhalif. طيب بارك الله فيك. عرفنا مقدار المخالفة التي عند هؤلاء. Et Cheikh de s'adresser à Abbas lui dit, toi tu confirmes qu'ils ont certaines erreurs. Tu confirmes qu'en quoi ils écoutent certains qui sont en divergence. C'est bon, que Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Montre-nous maintenant le degré de la divergence qu'ont ceux-là. إِذَنَّهُ يَقُولُ وَلَا أَرَى لَهُمْ بِدْعَةً وَلَا مُخَالَفَةً إِلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ لِكُلِّ أَحَدٍ كَمُحَمَّدْ عَسْلَانُ وَغَيْرُ. Le Cheikh lui dit, montre-nous le degré de divergence qu'ils ont ceux-là. Car il dit, c'est-à-dire quoi? Parce qu'il dit, je ne leur vois aucune innovation et aucune divergence, hein? Sauf qu'ils écoutent tout un chacun comme Mohamed Hassan et d'autres. طيب, هذه مخالفة في ظنه. Il dit, c'est bon, ça c'est une divergence dans ce qu'ils croient. إلا أنهم, parce qu'il a ramené l'expression ici, l'expression qui fait l'exception. يعني جاء بالاستثناء المتصل هذا. طيب بارك الله فيك. هذا النوع المخالفة ما هو؟ الشيخ لي ديك لا طبعا تنوي. Ce degré, cette genre de divergence, hein, c'est quoi? الشرك بالله مخالفة. Le fait de tomber dans l'associationnisme, le faire des associations d'Allah سبحانه وتعالى, c'est une divergence. الابتداع في دين الله مخالفة. Le fait d'innover dans la religion d'Allah سبحانه وتعالى, c'est une مخالفة. Sariqa, c'est une مخالفة. Le fait de voler, c'est une divergence aussi. Zina, une divergence avec les lois d'Allah. Zina, que Allah سبحانه وتعالى nous en préserve, c'est une divergence aussi. عقوق الوالدين, le fait de désobéir aux parents, c'est une divergence aussi. ضرب الابن في الوجه مخالفة. Le fait de frapper son fils dans le visage, c'est une divergence aussi. إذا الجار مخالفة إلى آخره. Le fait de faire du mal au voisin, c'est une مخالفة. Et ainsi de suite. مخالفات ليست على مستوى واحد. لكن ما حجم هذه المخالفة التي أنت تعترف أنها مخالفة؟ Les divergences ne sont pas à pied d'égalité. Mais c'est quoi cette divergence? Il s'adresse à Abbas, il dit, c'est quoi cette divergence que toi tu reconnais comme quoi et c'est une divergence? ما يجوز له أن يختزل إذا كان يعرف ولا ظنه يعرف ويميز أصلحه الله. Il dit, il n'est pas permis qu'il cache s'il sait et je ne crois pas qu'il sait et qu'il fasse qu'il sait faire la différence. Que Allah سبحانه وتعالى le réforme. يقول عندما يتكلم عليه كأنه بشر المريسي. هل كل الأخطاء على مستوى واحد؟ نتعامل مع السلفي الذي أخطأ ويقال لجمعية الطلاب كرافضي أو إخواني. Il dit, il rappelle les paroles de Abbas, hein, qui dit que quand on parle de l'Mgraoui, c'est comme si on parle de Bichel Mrissi. Et il dit, est-ce que toutes les erreurs sont à pied d'égalité? Est-ce qu'on doit se comporter avec un salafi qui est tombé dans l'erreur et qui fricote avec l'association Tourat? On doit se comporter avec lui comme un Rafidi et un Ikhwani? Cheikh Yaqoul, هذا من السفطائية. بارك الله فيك. هذا يدلك على أنه ما عنده فرقان. هذا يدلك على أن الرجل ما عنده فرقان أصلحه الله. هل نتعامل مع السلفي الذي أخطأ؟ ليش يدخل عبارات نحن نسأل يريد بالسلفي المغراوي ويثبت السلفية للمغراوي؟ طيب إذا كان يثبت سلفية المغراوي بارك الله فيك، ليش يتعبنا معه؟ يقول أن المغراوي سلفي ويدافع عنه، فنعرف الموقف من هذا الأخ أصلحه الله. Et cher de dire, ça c'est des paroles pour induire en erreur que l'Allah vous bénisse. Et ça, ça te prouve que ce garçon n'a pas de discernement. Et qu'Allah, il dit ça, ça te prouve que cet homme n'a pas de discernement que l'Allah le réforme. Est-ce qu'on se comporte avec le salafi qui est tombé dans l'erreur? Pourquoi il émet ce genre d'expression? Nous, on lui pose la question. Tu veux dire par salafi al-mghraoui? Tu vois et tu confirmes la salafi al-mghraoui? Taïm. Donc si tu confirmes la salafi al-mghraoui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, pourquoi tu nous fatigues? Pourquoi tu nous fatigues? Dis-nous qu'on mghraoui est salafi et défends-le. Et à ce moment-là, on sait la position à avoir avec ce frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme. يقول قذفت أهل العلم وقطعت جهيزة قول كل خطيب وتعارف العلماء مقالة المغراوي والله ما نحتاج إلى مثل هذا النكرة أصلحه الله لأن يلوت على الناس ويشوش على الناس الدي حفظه الله تعالى les hommes de science ont émis leur verdict et ils ont laissé rien à dire et les hommes de science connaissent les paroles et les positions d'Al-Mghraoui. Et par Allah, nous n'avons pas besoin de cet inconnu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme pour polluer l'esprit des gens et pour perturber l'esprit des gens. يقول نحن عندنا قاعدة سلفية سنية قررها العلماء من قديم في التعامل السني مع السني إذا أخطأ ولهذا قال العلماء في مسألة أن الكلمة الواحدة قررها الإمام ابن تيمية وابن رجب وغيرهما أن الكلمة الواحدة قد يقول أثنان أحدهما يبدع والآخر يخطأ يغلط خلاص غلط الكلمة الواحدة يقولها أثنان أحدهما يبدع والآخر يخطأ تخطئة لأنه لا يتجاوز أنه اجتهد فأخطأ بناء على أصله السني السلفي الذي يسير عليه فالسني السلفي على السنة المحضة زلقة لسان خرجت منه اجتهد فأخطأ فيها فلا نتجاوز. Il dit, Habidallahu Ta'ala, nous avons une règle salafi, sunnite, qu'ont confirmé les hommes de science depuis longtemps, dans le comportement à avoir avec le sunni quand il tombe dans une erreur. Il dit, c'est pour ça que les hommes de science, concernant une parole, disent, comme l'a confirmé l'imam Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab et d'autres, qu'une seule parole, deux personnes vont dire la même parole. Un, on va décréter qu'il est innovateur, et l'autre, on va dire qu'il est tombé dans l'erreur. Khalas. Il est tombé dans l'erreur, tout simplement. La parole sera dite par deux personnes. Un sera innovateur, et l'autre, tout simplement, on dira, il est tombé dans l'erreur. L'autre, ça... L'autre, ça ne dépasse pas que c'est un homme digne de l'effort de l'interprétation. Il a fait son effort d'interprétation et il s'est trompé. Et donc, se basant sur sa base salafi sunnite sur laquelle il est, on dit, il est tombé dans l'erreur et puis c'est tout. Mais il restera, il sera jamais, on dira jamais de lui qu'il est innovateur. Il a eu une glissade au niveau de sa langue. Il a fait un effort d'interprétation, il s'est trompé, donc on reste là. Amma dhalika al-mubtadi' al-munharif alladhi usuluhu 'ala al-inhiraf wa bana 'ala al-inhiraf wa yasiru 'ala al-inhiraf laysa bid-darurati an yakuna munharifan fi kulli al-abwab hatta naqul mubtadi' mubtadi' kama huwa dhannu al-kathir al-an hatta bab wahid walaw في باب الإرجاء ولو في باب الخروج وغير ذلك يقال خارجي ويقال قدري ويقال كذا. دي كونت لينوفاتور كي ا ديفي دون لي فوندمون سي دي فوندمون دو ديفيونس tout est basé sur la déviance et il va dans une voie déviante et c'est pas obligatoire qu'il soit déviant de tous les chapitres de la religion pour qu'on dise de lui qu'il est innovateur comme certains le croient. Là suffit qu'il soit dans un chapitre, dans un sujet, il a dévié, ça y est. Comme dans l'Irja, on dira de lui qu'il est mangé. Ou dans, au chapitre, dans le sujet de l'Khuruj, on dira de lui qu'il est Kharijit. Au niveau du Qadar, on dira de lui qu'il est Qadarit, et ainsi de suite. Et on va arrêter là, Inch'Allah, parce que c'est bientôt l'heure d'Al-Maghrib. Et, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant,